si je te délaisse, si je m'éloigne encore. Pardonne-moi si mes mots te blessent, si j'ai souvent eu tort. Mais je ne sais plus comment t'aimer, je ne sais plus te regarder. Trop de choses ont changé. Dis-moi si je perds mon temps, si tu fais semblant. C'est juste une période, un instant, rien d'important. Dis-moi si je te perds, ce que je dois faire. J'aimerais te retrouver, revenir en arrière. Je veux juste qu'on s'étonne comme avant, quand on savait faire de chaque instant une aventure, un rêve toujours plus grand. Je veux juste qu'on se donne comme avant, comme avant. Pardonne-moi si je suis lassée, si on n'est plus d'accord. Pardonne-moi si je n'ai pas toujours fait des efforts. Mais je n'arrive plus à te cerner, je n'arrive plus à te parler. Et tout ça doit changer. Et moi, je passe le temps.